explorer en fait la question des rapports rural-urbains à travers la gouvernance de l'eau potable en Tunisie. Romain, tu as dit que tout à l'heure en parlant d'Isabelle Guillou, que ce n'était pas une approche structurale. Oui. Pas du tout. Non, mais attends. Alors, c'était simplement pour te dire que moi, c'est une approche structurale. J'ai rien contre l'approche structurale. Et que c'est une... En termes de représentation. Et c'est une approche, si Nicole Mathieu était là, plutôt matérialiste des rapports rural-urbain. Elle s'excuse, oui, parce qu'elle est... Voilà. Ah oui. Bien. Donc, bon, effectivement, aujourd'hui, les débats internationaux sur l'eau mettent de plus en plus en avant, ou sont plutôt formulés de plus en plus en termes d'enjeux éthiques, d'équité sociale et de lutte contre la pauvreté. Et dans ces débats, on met de plus en plus en avant la question du droit à l'eau comme droit humain fondamental. Et l'hypothèse étant que la question de l'accès à l'eau symboliserait une des plus grandes inégalités au niveau de la planète et par conséquent devrait figurer au premier plan de l'agenda international. Alors, les inégalités territoriales, en particulier entre territoires urbains et territoires ruraux, s'expriment, en tout cas dans le contexte tunisien que je vais étudier, à la fois dans l'accès à l'eau et à l'assainissement, dans l'exposition aux risques liés à l'usage de l'eau, et également dans la capacité d'action des usagers de l'eau qui ont de plus en plus en charge la gestion des réseaux d'eau potable en milieu rural. Donc ce sont ces trois dimensions que je vais essayer d'explorer à partir à la fois de données statistiques, mais aussi de recherches récentes que j'ai menées en Tunisie, en particulier l'an dernier, et qui ont été complétées par un séjour récent en Tunisie. Alors, pour rappeler un peu le contexte actuel, la révolution tunisienne, parmi les causes profondes, en fait, du mouvement de protestation sociale qui a abouti à la chute de Ben Ali, figurent de manière importante l'aggravation des phénomènes d'exclusion sociale et figurent les disparités territoriales croissantes qui ont accompagné le processus de développement en Tunisie, surtout depuis les deux dernières décennies. Alors, processus de développement caractérisé en particulier par des phénomènes de métropolisation et une concentration accrue des activités économiques, industrielles, touristiques, de services dans les régions littorales. Donc ce processus se traduit par des inégalités accrues entre, d'une part, les régions intérieures et les zones littorales, mais aussi entre les zones rurales et les zones urbaines. Et ces inégalités, en fait, sont attestées par tous les indicateurs du développement humain, à la fois l'emploi, la santé, l'éducation, l'accès aux infrastructures et parmi l'accès aux infrastructures, l'accès aux réseaux d'eau potable. Alors, comment se présentent les inégalités rurales urbaines en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement? Alors, comme je vous ai dit, la priorité pour l'approvisionnement en eau potable a été donnée au milieu urbain et aux zones littorales et touristiques, comme en fait, et ça reflète, en fait, ça renvoie à des choix en matière d'aménagement du territoire. donc où on a mis l'accent, enfin l'essentiel des investissements ont été réalisés dans les zones littorales et dans les villes et dans les grands centres urbains. Alors aujourd'hui et puis depuis très longtemps, les dessertes en eau potable urbaines ont atteint 100% en fait, donc toutes les zones urbaines sont couvertes par les réseaux d'adduction d'eau potable. Pour juste quelques éléments pour montrer la priorité ou l'importance qui a été donnée au secteur touristique. Bon, aujourd'hui, par exemple, la consommation quotidienne par lit occupé atteint 560 litres d'eau contre une consommation moyenne de 100 litres d'eau par jour par Tunisien. Il me semble que j'ai oublié une... Ça va trop vite. Excusez-moi. Excusez-moi parce que j'ai passé deux diapos qui étaient quand même importantes. Bon. Donc, en fait, c'est vrai que l'accès aux infrastructures de base a été toujours une priorité affichée par les autorités politiques en Tunisie. Pourquoi ? Parce que considéré comme un élément essentiel du développement économique et social et également un moyen d'amélioration de la santé des populations. Le problème, c'est que la Tunisie se caractérise aussi par une très grande pauvreté en ressources hydriques et par une inégale répartition des ressources en eau. Alors aujourd'hui, la Tunisie est classée parmi les 10 pays les plus pauvres en eau. Et on considère que la consommation actuelle de 450 mètres cubes par an correspond à un seuil en dessous du stress hydrique qui est fixé à 500 mètres cubes par an et par habitant. Et ces ressources sont essentiellement situées dans le nord du pays. Alors, compte tenu de cette inégale répartition de la ressource et compte tenu des choix qui ont été faits en matière d'aménagement du territoire, la Tunisie a investi des ressources très importantes dans la mobilisation des ressources hydrauliques en Tunisie, avec donc un modèle basé sur la construction de grands barrages et aussi de grands des infrastructures de transfert de l'eau des régions du nord vers les régions littorales. Elle consiste également actuellement dans le développement de ressources non conventionnelles, c'est-à-dire dessalement de l'eau de mer, et également recyclage des eaux usées. Alors l'essentiel de ces ressources est effectivement encore utilisé pour l'agriculture, mais en ce qui concerne l'eau potable, la priorité a été donnée donc au milieu urbain et aux zones littorales et touristiques, hein, en tout cas jusqu'à la fin des années 80. Voyons voir si ça marche. Non, il y a vraiment un problème aujourd'hui. Donc ça, c'est juste une carte hein, pour illustrer la répartition inégale des ressources hydrauliques en Tunisie, donc située principalement dans le nord-ouest de la Tunisie, qui sont des régions rurales et des régions aussi montagneuses et forestières. Alors, donc cette carte illustre aussi l'existence, en fait, la présence de l'essentiel des barrages dans cette zone, hein, avec justement des infrastructures de transfert de l'eau, hein, par le biais de canaux, donc qui transfère l'eau de ces régions, enfin qui constitue le château d'eau de la Tunisie, vers les régions littorales et en particulier les grandes villes, dans le Gabon, mais aussi à Sousse et à Sfax, donc jusque dans le centre du pays. Et donc comme indicateur, les régions du nord et du nord-ouest n'utilisent en fait que 26% de l'eau produite sur leur territoire. Hein. Et le reste du volume, donc les trois quarts des ressources, est entièrement transféré vers les zones littorales du Gabon, du Sahel et de Sfax. Donc on a déjà, à travers les grands programmes de transfert et de mobilisation des ressources en eau, déjà des inégalités énormes donc qui se traduisent par un transfert des ressources des zones rurales vers les zones urbaines et les zones littorales. Donc ceci se traduit par des inégalités entre rural et urbain en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement. Donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, simplement pour signaler que jusqu'en 2004, la moitié des ménages ruraux n'avaient pas accès à l'eau courante. Hein. Et d'une part, d'autre part, le taux de raccordement des zones rurales au réseau d'assainissement restait très largement inférieur à 10%. Hein. Alors là aussi, il faut prendre les données statistiques avec précaution parce que le système statistique en Tunisie, particularisé dans l'art du camouflage et surtout un effort qui visait à justement ne pas montrer les différences entre zones rurales et zones urbaines. Donc c'était toujours des moyennes et toujours très difficile d'avoir des données statistiques désagrégées par milieu. Alors à partir des années 90, bon, dans le cadre de sa politique sociale et dans le cadre aussi d'un effort pour réduire les coûts sociaux des programmes d'ajustement structurel, le gouvernement tunisien a relancé les projets d'eau potable dans les zones rurales. Mais ceci s'est fait dans un contexte en fait de libéralisation économique et aussi un contexte de désengagement de l'État de la gestion directe des réseaux d'eau potable en zone rurale. Bon, ça a été fait par différents programmes donc qui ont été mis en place pour desservir les populations rurales. Et donc cette extension des réseaux a été financée très souvent par des programmes de coopération bilatérale ou de coopération internationale et répondait également à des demandes et à des besoins fortement exprimés par les populations rurales, mais aussi fortement relayés par les autorités locales et les autorités régionales, donc dans des objectifs de légitimité politique et dans le contexte de des politiques de décentralisation qui donnaient une plus grande importance aux régions dans la gestion en particulier des ressources naturelles. Et donc, comme je vous ai dit, cette relance des projets d'eau potable se fait dans un contexte de réforme politique et de libéralisation, de désengagement de l'État. Et l'ensemble de ces processus, en fait, va se traduire par des disparités accrues, paradoxalement, donc, entre milieu rural et milieu urbain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces inégalités, en fait, sont très liées à l'organisation de la distribution de l'eau potable. Hein. Et en fait, on a deux opérateurs publics hein, qui se divisent le travail entre, justement, l'approvisionnement en eau potable pour les zones urbaines et l'approvisionnement en eau potable pour les zones rurales. Alors, la SONED, donc, qui est enfin, la société d'exploitation des eaux, exploite donc un réseau de production et de transport d'eau brute qui est, comme je vous l'ai dit, basé sur la mobilisation d'une ressource qui provient à 85% des zones rurales du nord du pays et qui sert principalement l'approvisionnement des centres urbains. Hein, avec donc les grandes infrastructures de transport. Donc la SONED s'occupe principalement des zones urbaines. Un deuxième opérateur, en fait, est le ministère de l'Agriculture, avec à travers la direction générale du génie rural, qui est donc en charge de la desserte en eau potable des zones rurales, à partir des bornes fontaines et à partir de potences, et principalement dans les zones rurales dispersées où la SONED donc n'intervient pas. Alors aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture, donc à travers la Direction générale du génie rural, donc réalise les infrastructures, mais depuis le début des années 80, délègue la gestion et l'exploitation des réseaux à des associations d'usagers de l'eau, de l'eau d'ailleurs d'irrigation, mais là pour ce qui nous concerne, des associations d'usagers de l'eau potable. Donc ça s'est fait dans un contexte, comme je vous ai dit, de désengagement de l'État de la gestion directe des périmètres d'eau potable, et donc qui ont été confiés, et sous, bien entendu, ce sont des réformes qui ont été imposées pratiquement par les grandes organisations internationales, en particulier par la Banque mondiale, qui conditionne effectivement ces aides et ces prêts dans le secteur de l'eau au transfert de la gestion de l'eau potable à ces associations d'usagers. Bien. Alors, donc, cet effort qui a été fait a permis effectivement de généraliser pratiquement la desserte en eau potable du pays et également des zones rurales avec aujourd'hui un taux de desserte de 92% des zones rurales. Alors le problème, c'est que les réseaux d'adduction d'eau sont très différents en milieu urbain et en milieu rural. Bon, tout d'abord, la desserte des zones couvertes par la SONED consiste essentiellement dans des branchements individuels, hein, donc c'est-à-dire les ménages ont l'eau courante à la maison. Hein. Alors que la desserte en milieu rural dispersé est réalisée principalement en branchement collectif hein, et avec des standards techniques beaucoup moins élevés. Hein. Alors, c'est essentiellement des bornes fontaines qui sont situées théoriquement à moins de 500 mètres des habitations. Mais en réalité, elles se trouvent parfois à des distances beaucoup plus élevées. Donc voici une borne fontaine. Donc ça veut dire que, dans les statistiques, on dit que 90% des zones rurales sont desservies, mais en réalité, les familles sont obligées d'aller chercher l'eau à la borne fontaine. Et c'est un travail qui revient principalement aux femmes et aux enfants. Bon, là, on voit un monsieur, donc ça, un homme, donc ça peut-être... C'est pour la photo. Voilà. Oui, c'est peut-être pour ça. Il accompagne mais... sa fille. Ah, voilà, exactement. Ouais. Bon, alors, j'espère que j'ai pas... Alors, autre élément, les tarifs de l'eau, en fait, sont beaucoup plus élevés en milieu rural qu'en milieu urbain. Pourquoi ? Parce que d'abord, les coûts de réalisation et d'exploitation des réseaux sont beaucoup plus élevés, avec un habitat dispersé en milieu rural et aussi des zones, la présence de zones de relief accidentées, surtout dans les zones de montagne. Autre élément de différence, c'est que la population rurale, contrairement aux ménages urbains et aux usagers urbains, ne profite pas des avantages d'un système qui a été mis en place, qui est un système de péréquation tarifaire, hein, qui est appliqué à l'échelle nationale dans les zones desservies par la SONET. Ça consiste en quoi ? En fait, il y a un tarif progressif, hein, selon les tranches de consommation. Plus on consomme et plus on paye cher. Hein. C'est-à-dire, en fait, c'est... Donc les entreprises industrielles, les activités touristiques, donc payent l'eau à un tarif plus élevé, ce qui permet effectivement d'appliquer des tarifs moins élevés pour les populations les moins favorisées. Hein. Mais ça ne s'applique que pour les zones urbaines et les zones, en tout cas, les zones desservies par la SONET. Bien. On n'a jamais eu ce genre de problème avec ça. Qu'est-ce que tu as ? Je ne sais pas. Hein. Tu avais encore des documents. Attends, laisse-le se remettre en haut. Il n'y a pas de signal. Ça va peut-être réapparaître. Peut-être il vaut mieux ne pas. On va arrêter. Power off. On arrête un peu. Oui, c'est ça. Laisser là, il faut que. En fait, c'est l'ordinateur qui s'est éteint, ça a marché. Ah. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ah, peut-être qu'il est. Il n'est pas branché. Oui, non, il n'est pas branché. Ah, ouais. C'est ça. Oui, évidemment. C'est la clé. Ouais, c'est alors, du coup, c'est moi qui vais afficher la pagaille là. Qu'est-ce que je fais là ? C'est en rouge. Il faut un temps qu'il réapparaisse. Il faut lui laisser le temps. Ça m'a fait un malade, ça n'avait pas mis la date. Ah oui. Et moi, je l'ai aussi l'autre fois. Je pense pas. Oui, tu m'as dit. Bon. Je l'ai pris, mais bon. Non, on ne l'a pas pris, puis je n'avais pas sorti. Donc, j'avais pas l'autre partie. Non. Voilà, sur la prise multiple, tu peux. Tu peux la mettre sur le pied. Donc là. On oublie tout le temps. Bon, mais là, on n'est pas... Ah ouais, c'est bon. Faut pas attendre qu'il y ait. C'est pas l'eau, c'est l'électricité. Oui. Pourtant, dans le milieu urbain, hein, mais... Ça marche pas. Bon, maintenant, il faut que je... Effectivement, les tarifs sont... Donc, il n'y a pas ce système de péréquation tarifaire n'est pas appliqué en milieu rural. Oui, parce que c'est séparé de l'urbain. Voilà, c'est séparé de l'urbain. Et par ailleurs, la gestion en fait, des réseaux en milieu rural est organisée de manière différente. Ouais. Puisque aujourd'hui, ce sont les associations d'usagers de l'eau, ce qu'on appelle groupement de développement, qui ont en charge la gestion et l'exploitation du réseau. Donc, en fait, il n'y a pas de système tarifaire, hein, il n'y a pas un tarif uniforme qui est appliqué. Le tarif qui est appliqué aux usagers dépend, en fait, de la gestion de l'association. Et les associations sont essentiellement préoccupées par des problèmes de recouvrement des frais liés à la maintenance des réseaux, hein, et aux frais de distribution de l'eau aux usagers. Donc, en fait, ils fixent le tarif a posteriori. Et d'ailleurs, les tarifs appliqués aux usagers diffèrent fortement d'une association d'usagers à une autre. Hein. Et donc, les tarifs qui sont appliqués aux usagers, aux ménages ruraux, sont bien plus élevés que les tarifs appliqués, les tarifs sociaux, en fait, appliqués aux populations urbaines les plus pauvres. Et ça peut aller, en fait, non pas du simple au double, mais les tarifs peuvent être 5 fois, 6 fois, 7 fois plus élevés donc qu'en milieu urbain. Donc, et ça, c'est vraiment très lié, hein, au fait que ces zones ont, enfin, à une organisation institutionnelle différente, hein, de la distribution de l'eau selon qu'on est en milieu urbain milieu rural. Bien. Donc finalement, paradoxalement, la population rurale, qui est généralement plus pauvre, ne profite pas donc de ce système de péréquation sociale et donc est obligée de payer des tarifs de l'eau particulièrement élevés. Alors les inégalités sont aussi liées à la conception des projets d'eau potable en milieu rural, et aussi au dysfonctionnement des associations d'usagers de l'eau. Hein. Alors, au niveau de la conception des réseaux, d'abord, dans le contexte de la décentralisation et du transfert, justement, de la gestion à ces associations d'usagers, ce qu'il faut savoir, c'est que les associations d'usagers ont été placées sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, hein, et sous la tutelle des gouverneurs, c'est-à-dire des préfets, hein, des préfets de région. Hein. Pourquoi sous la tutelle du ministère de l'Intérieur ? Parce que, vous le savez maintenant, les associations en Tunisie sont placées directement sous la tutelle de la police, en fait, voilà, du ministère de l'Intérieur. Bien. Et donc, puisque les associations d'usagers de l'eau ont un statut précisément d'association, elles sont placées sous la tutelle directe des autorités locales et régionales. Et donc, en fait, ce transfert d'une gestion administrative à une gestion soi-disant participative, s'est soldé par un renforcement, hein, du pouvoir des autorités locales et régionales sur la gestion de l'eau. Donc, et ça se traduit même au niveau, en fait, de la conception ou des réseaux, du choix des zones à desservir, de la délimitation des zones à desservir, qui effectivement découle très souvent du jeu des acteurs locaux les plus influents, hein, et qui renvoie aussi à des enjeux de légitimité politique, parce qu'effectivement, il y a une demande très forte des populations rurales en matière d'accès à l'eau. Le problème, c'est que les réseaux qui sont réalisés ne correspondent pas nécessairement aux besoins, puisqu'il ne s'agit pas nécessairement des zones les moins desservies. Donc, ça résulte plutôt d'un rapport de force. Bien, par ailleurs, la priorité qui a été donnée au système de distribution par borne fontaine, donc branchement collectif, s'est révélée, en fait, totalement inadaptée aux besoins, en fait, des ménages en milieu rural. Là aussi, bon, si on veut, c'est aussi un manque, en fait, de connaissances, hein, et de compréhension des besoins des ménages ruraux, et une représentation encore négative, en fait des besoins sociaux en milieu rural. Hein, alors que, en réalité, les ménages ruraux revendiquent en fait les mêmes droits que les citadins. Alors, dans ce contexte-là, donc, qui n'a pas pris en compte les besoins de branchement individuel des ménages ruraux, on a assisté à quoi ? Au développement de branchements illicites. Donc, les gens viennent se connecter, enfin, bon, font des canalisations à partir des bornes-fontaines et se raccordent directement au réseau. Donc avec des conséquences aussi désastreuses sur le fonctionnement technique des réseaux et aussi des inégalités, bien entendu, entre ceux qui sont capables de réaliser ces branchements et ceux qui ne sont pas capables de le faire. Hein. Et bon, il m'est arrivé très souvent de constater que ces bornes-fontaines, en fait, ne fonctionnaient pas. Hein, et que bon, des zones entières n'étaient pas desservies. Ou alors, bon, elles sont appropriées par ceux qui sont en capacité justement de mettre la main ou de contrôler la ressource en eau, qui non seulement la contrôle pour des usages personnels et familiaux, mais aussi qui trouve encore le moyen de la stocker et de la revendre aux autres. Bien. Alors finalement, bon, donc c'est ce système a donné lieu à des conflits énormes, à des revendications quoi, des populations rurales qui ont été en mesure dans certaines zones d'imposer justement un réajustement du système et donc qui ont été finalement autorisées à avoir des branchements individuels, mais dont elles prenaient en charge les frais de réalisation. Voilà. Donc non seulement les ménages participent en fait de ce point de vue-là à la réalisation des infrastructures, mais en plus payent l'eau plus cher. Mmh.